Scheherazade. La bouteille de champagne et la boîte de chocolat sont déjà bien entamées. Chaque bouchée, chaque gorgée ponctuée d'un baiser et de caresses de plus en plus tendres. Dès les premières minutes, le gilet de coton noir a rejoint la mante de satin bleu sur le tapis et ni mon sarouel ni la nuisette transparente remontée jusqu'aux hanches ne sont plus en mesure de freiner la fougue de notre désir. Nathalie est tellement excitée qu'elle n'a plus assez de lèvres pour m'embrasser. Et la banquette est bien trop étroite et bien trop fragile pour continuer de supporter nos ébats. Dans un souffle mêlé des premiers râles du plaisir, mon bel amour blond me demande de la porter sur le lit et d'honorer la promesse faite à Barbizon de prendre la seule virginité qui lui reste. Un bras passé dans son dos, un autre au pli de ses genoux, je la soulève comme une plume et me dirige vers le lit. En bas, la nuisette est remontée jusqu'en haut des reins. En haut, elle a glissé et libéré un sein qui se dresse exigeant. Avant que je ne la dépose sous la couche, de son bras resté libre, elle ouvre le lit dont les bras prennent aussitôt l'empreinte de son corps. Rampant sur le dos, elle simule la proie essayant d'échapper au prédateur. Mais son regard dément ses gestes. Cette proie-là n'a pas du tout envie de fuir. Si c'était le cas, pourquoi s'exposerait-elle malicieusement à ma convoitise au lieu de serrer les genoux ? Je m'agenouille entre ses jambes et, les préliminaires étant clos, la prends tendrement. Dans la seconde, ce ne sont que gémissements qui vont crescendo. Mais tout à coup, comme si elle se figeait, ses hanches bloquent mon mouvement et avec un regard réprobateur, elle se dégage en protestant. « John, tu m'avais promis. » Je lui caresse le visage avec tendresse. « Doucement, Nat, il faut te préparer. Autrement, tu risques d'avoir très mal. » Allaitement et supplication se confondent. « Et qu'attends-tu pour me préparer ? Que la banquise est fondue ? John, je t'en supplie. Reste comme tu es. Relève juste tes hanches. » Avec une infinie patience et autant de douceur, j'ouvre le chemin qui jamais n'a été exploré. Elle gémit doucement. Je m'inquiète. « Pardon, je t'ai fait mal ?» Elle me répond dans un allaitement. « Non, grand nigaud, continue, ne t'arrête pas. » À mesure que mon exploration s'approfondit, ses gémissements s'accélèrent et s'amplifient. Un dernier baiser. « Maintenant ?» Sa voix est rauque, éraillée, presque cassée. « Oui, viens !» Aucune hésitation, le geste est précis. Elle s'empare de moi et me fait passer la porte. « Oh my goodness ! Jesus Lord, come on !» Le spectacle qu'elle me donne de son intimité, ses doigts qui jouent de son bourgeon, son regard chargé d'amour et de désir et son visage dont les traits se crispent sous l'effet de l'orgasme qui approche, ne vont pas me permettre de tenir bien longtemps. Cette sensation que j'ai d'être au plus profond d'elle et d'y être irrésistiblement attiré comme si j'allais y être englouti me fait perdre tout contrôle. Elle doit le sentir, car à l'instant où l'orage éclate, elle se détache aussitôt et faisant volte-face, me présente ses reins. Elle est déchaînée. Bien, encore. C'est elle qui tout au long impose le rythme. Ses gémissements deviennent des cris et dans un dernier râle, elle s'écrase contre mon ventre. Je meurs en elle. Nous reposons sur le dos côte à côte. Nos poitrines se soulèvent et s'abaissent désespérément comme s'il nous était impossible de recouvrer notre souffle. Elle se tourne vers moi, me donne un baiser plein de tendresse, et avec ce sourire espiègle, qui n'appartient qu'à elle, me décoche ce que je décide de prendre pour un compliment. C'était trop bon. Si j'avais su, il y a bien longtemps que je l'aurais fait. Ce qui pourrait passer pour une totale impudeur n'est chez elle que naturel. Elle est si spontanée qu'elle dit tout net ce qu'elle pense et je découvrirai vite que rien n'est tabou quand il s'agit de sexe. Elle se lève davantage contre moi et me redit avec tendresse combien elle m'aime. Nathalie est comme ça. Elle m'aime, elle a aimé ce qu'elle a ressenti et elle le dit. Elle se sent tellement bien contre moi qu'elle me confie avoir l'impression d'être la jeune fille qui vient de recevoir le cadeau qu'elle n'espérait plus. C'est si bon de t'aimer que je voudrais passer toute la nuit à te caresser, à te parler. Je lui souris, comme Scheherazade qui chaque nuit racontait une histoire au sultan après l'amour. Continuant ses caresses, elle se dresse sur un coude. « Tu te prends pour un sultan maintenant. Ne serais-tu pas un macho qui s'ignore, à moins que... À moins que quoi ? Que tu sois vraiment un prince du désert. C'est ce que j'ai cru voir quand tu es rentré dans la chambre tout à l'heure. Te dirais-je ce que moi j'ai cru voir ? Dis toujours. Une courtisane vénitienne. Mais c'est ce que je suis. La plus grande courtisane de Venise. Elle fait une moue. En tout cas, j'en aimais le costume. J'aurais bien aimé. Ah bon, et pourquoi donc? Parce que j'aime le sexe et que c'est un de mes fantasmes. Si tu le veux bien, je serai ta courtisane. Que tu aimes le sexe, je commence à en être plus que convaincu. Et je me demande bien comment tu as pu faire pour rester célibataire si longtemps après ton divorce. C'est de la magie? Ou alors une volonté peu commune? Ne pas avoir d'homme dans sa vie ne veut pas dire ne pas avoir de relations sexuelles. Une femme alors? Elle a du mal à ne pas rire aux éclats. Non. L'institut de Tantra et le saphir. L'institut de Tantra, le saphir. Je ne saisis pas bien. De quoi s'agit-il? Il va falloir que tu m'expliques. Elle me regarde, l'air coquin, un brin gêné tout de même. Si tu es sage, je n'insiste pas. Je ne sais depuis combien de temps nous parlons, concluant chaque fin de phrase par un bisou. Nathalie me confie plus de détails sur sa personnalité, puis sur les 4 années qui ont suivi son arrivée à Paris. Tu sais, tout au fond de moi, je suis très différente de l'image que les gens perçoivent. Ah bon? Et que crois-tu que les gens perçoivent? Ils me voient comme une femme forte, sûre d'elle, peut-être même autoritaire. En général, j'intimide les gens et souvent mes yeux clairs les mettent mal à l'aise. Avec la plupart des hommes, il me suffit d'un regard pour décourager toute tentative de drague, et j'avoue que ça m'a parfois été utile. Dans ma vie professionnelle, comment dites-vous, vous les Français? Ah oui, personne n'a envie de me taper sur le ventre. Je crois que c'est l'expression pour dire être familier. D'un petit signe de tête et d'une caresse dans sa crinière d'or, je lui confirme que c'est la bonne expression. Elle poursuit. Le problème est que même si j'ai du caractère, pour ne pas dire un caractère, c'est que je ne suis pas du tout une femme de caractère. On pourrait même dire que c'est tout le contraire. Je la regarde, l'air amusé. Hein? Et comment êtes-vous donc, Nathalie Lorclaine? Elle fait une petite moue contrariée qui se voudrait sévère et me pince gentiment le téton. Tu le sais très bien, John. Et si tu le sais, c'est parce que tu es exactement comme moi. Tu es mon âme sœur, je l'ai su à l'instant même où je t'ai vu. Je lui rends son pincement, sur chacun de ses tétons et la regarde droit dans les yeux. Je répète ma question, Nat, qui es-tu? Posant un index sur ses lèvres, elle prend son air coquin. Malgré les apparences, je suis ce qu'on appelle une femme enfant. Je n'aime pas du tout cette expression, mais je dois reconnaître que j'ai un grand besoin d'amour et d'attention. Sans pourtant que ce soit de l'exhibitionnisme, quoique... J'aime montrer mon corps et exciter les hommes. J'aime qu'ils me regardent. Je suis sensuel et même très sexuel. J'ai plein de fantasmes. Mais si le sexe tient une place importante dans ma vie, il ne peut y avoir de sexe sans séduction et sans un minimum de tendresse, même pour une rencontre d'un soir. Pour clore ce chapitre, mais ne le répète à personne, j'adore aussi les fessées, très tendres. Soulignant son propos, elle cambre les reins. J'adore que l'on me câline et j'ai besoin de me sentir protégé. Le problème, c'est que si je mets mon âme à nu, alors je suis sans défense. Il est très facile de me faire du mal. Je te dis tout ça parce que je sais que tu es mon double. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle. Je n'ai jamais rien dit de tel à qui que ce soit, pas même à Béa, ma meilleure amie. Elle marque un temps, comme une hésitation, puis reprend résolument. J'ai tellement besoin de te dire qui je suis vraiment. Tout au fond de moi, là où personne n'est jamais allé. J'ai ce besoin parce que je t'aime. Bien sûr, mais aussi parce que je ressens cette pulsion impérieuse de mettre mon cœur à nu pour toi afin que rien de ce que je suis ne te soit caché. Encore une pause, sourcils froncés. Il est visible qu'elle réfléchit intensément. Je viens de me rendre compte que je n'aurais jamais abordé ce sujet si je n'avais su inconsciemment que tu ne serais pas jaloux de ma vie d'avant. Comment? Et pourquoi le sais-je? Je serais incapable de le dire. Je le sais, c'est tout. Je passe ma main sur sa joue et dans ses cheveux. J'ignore s'il y a des statistiques sur le sujet, mais je dois faire partie de la minorité mâle qui considère que les confidences de la femme aimée sur sa vie intime sont une preuve d'amour. Avec un profond soupir, elle se serre contre moi, de tout son corps. Bien que nous soyons entièrement nus, il n'y a rien de sexuel dans cette étreinte. C'est une communion comme je n'en ai jamais connue. Dans cet instant, nous sommes davantage l'un à l'autre que nous ne l'étions tout à l'heure dans notre délire amoureux. Elle m'embrasse tendrement. Je veux tout te raconter de moi, que tu vois tout au fond de mon âme, que tu me regardes comme personne ne m'a jamais regardé. Je veux me donner à toi comme je ne me suis jamais donné. Depuis cette minute magique où je t'ai vu rue d'Onou, c'est ce que je ressens tout au fond de mon cœur. J'en ai tant besoin, mais... Je suis noyé dans ses yeux. Mais quoi, Nat ? Ses lèvres sont si douces. Bien que tu sois une exception masculine, j'ai peur que tu ne me trouves un peu trop addict au sexe, et surtout qu'avec ma libido boulimique, tu me penses infréquentable. Je te trouve au contraire très fréquentable, et je retiens surtout qu'il te reste plein de fantasmes à explorer. » Elle plisse le nez et ferme à demi les yeux. « Tu ne sais pas à quoi tu t'engages. » Une hésitation, le temps d'une réflexion. Son regard devient si doux que je me sens fondre. Je lui donne un bisou léger, au coin des lèvres. Je ressens la même chose. Moi aussi, je voudrais tout te dire de moi. Quant à ce que tu appelles une addiction, pour moi, c'est une bénédiction. Avec toi, je suis prêt à tout découvrir. Son sourire est l'image même du bonheur. Alors, je vais faire ce que tu as dit tout à l'heure, tout comme Scheherazade. Je vais te raconter tous mes secrets. Tu vas entrer tout au fond de moi, John. Je sais que tu seras délicat et que tu ne piétineras pas mon jardin intime, mais je ne sais pas par où commencer. Je lui prends le menton entre le pouce et l'index. Par ce que tu voudras, dans n'importe quel ordre, ça n'a strictement aucune importance. Dis-moi simplement ce que tu as envie de me dire, rien de plus. Elle prend un air pensif, réfléchit un instant. Je voulais déjà t'en parler la semaine dernière. Mais c'est un sujet très personnel et malgré mon envie de tout te dire, je me sentais un peu gêné d'aborder cet aspect de ma vie. Je veux absolument la rassurer. Je te l'ai dit, rien ne t'y oblige, rien ne t'oblige à me parler de quoi que ce soit. Ta vie intime t'appartient et il n'appartient qu'à toi. Elle a un sourire un peu contraint comme s'il n'arrivait pas à se décider. Mais c'est en totale contradiction avec ce que je viens de te dire il n'y a pas une minute. Non, John, davantage que de la gêne, ce que je ressens s'apparente plutôt une certaine forme d'angoisse. L'étonnement et l'inquiétude doivent marquer mon visage, Nat s'empresse de préciser. Non, non, rassure-toi, ce ne sont pas les confidences que je vais te faire, et encore moins ta réaction au récit de mes exploits qui me pose problème. Non, c'est davantage ce besoin impérieux de tout te dire qui m'effraie. C'est la première fois que j'éprouve ça, et surtout avec une telle intensité, et ça me fait un peu peur. Je prends son visage entre mes mains. Je pourrais dire la même chose de cette envie prégnante de t'écouter et de tout entendre de toi. Une caresse de mon pouce sur ses lèvres. Et puis, dis-toi bien qu'à mes yeux, ta libido boulimique ne fait pas de toi une obsédée immorale. Je fais une moue désabusée. Si seulement ma femme avait pu être un tout petit peu obsédée, juste un tout petit peu. Il semble que je l'ai rassurée, mais pas tant que ça. Tu comprends, j'ai besoin de tout te dire et en même temps, je ne sais pas comment le dire. Ne t'inquiète pas pour ça. Un jour, lorsque tu en auras envie, cela viendra spontanément, ou pas. Cela n'a pas d'importance. Mais j'en ai très envie. Tu sais, c'est comme lorsqu'on vient de faire des confitures. Poussé par la gourmandise, on a très envie de goûter, mais en même temps, on a peur de se brûler. Là, je ris franchement. Tu vois, tu te moques déjà. Pas une seconde, je ne me moque pas. Je visualise simplement la scène et je trouve ça très drôle. Je la fixe droit dans les yeux, prends son visage entre mes mains. Alors, qu'est-ce qui va l'emporter? La crainte de te brûler ou la gourmandise? Ça, c'est son air spécial, coquine. Je crois bien que c'est la gourmandise. Mais s'il te plaît, une fois lancé, encourage-moi. Surtout si en plus je te dévoile mes fantasmes et certains en particulier. Je lui caresse la joue et les cheveux. Je t'écoute, Nat, et je te répète que si tu éprouves ce besoin de tout me dire, j'ai tout autant envie de tout entendre. Ses yeux pétillent de plaisir. Elle se cale au creux de mon bras et les yeux plissés fait sa moue de petit lapin. Elle se lance. Tout à l'heure, juste après, j'ai pensé à Béatrice. À Béatrice. Je dois vraiment avoir les yeux ronds, car elle s'esclave. Non, pas vraiment elle, plutôt à ce qu'elle me disait il y a 3 ans. Mais j'ai ta parole. Tu promets de ne pas te moquer. Comment le pourrais-je? Je te l'ai promis. Tu me verras peut-être sourire, mais ça ne sera jamais pour me moquer. Bien, alors je continue. Elle me fait un petit bisou sur le bout du nez. Il était une fois. C'est bien ce qu'il faut dire quand on commence une histoire, n'est-ce pas? Donc, once upon a time. Arrivé à Paris au début de l'année 81, je pensais sincèrement que ma vie devait entièrement être consacrée à l'éducation de Peter et à rien d'autre. Je m'étais donc astreinte à une véritable vie de nonne, dans tous les sens du terme, et en particulier sur le plan sexuel. Depuis mon installation en France, je n'avais même pas cherché à rencontrer quelqu'un et cela faisait bientôt 1 an. Que j'étais totalement abstinente. Comme je suis tout le contraire d'une abstinente, les conséquences commençaient à se faire sentir, d'abord sur mon cycle féminin, ensuite sur mon comportement. À la maison, comme au travail, j'étais devenue plus que nerveuse. En novembre 1981, sous les conseils de Béatrice, j'ai consulté une psy. Elle a été très claire. Réfréner sa libido peut conduire à la dépression et d'autant plus rapidement que cette libido est forte. Pour retrouver un minimum d'équilibre, détendre mon corps et sachant que je pratiquais le yoga, la psy m'avait prescrit plusieurs séances de massage ayurvédique, précisant bien que ce n'était là qu'une sorte d'antalgique et qu'à son sens, le seul remède efficace était de tourner en compagnon. Pour une personnalité comme la mienne, un an sans faire l'amour, à part avec moi-même, était devenu complètement ingérable, et Béatrice me l'avait fait remarquer à plusieurs reprises, d'autant que cela avait des conséquences sur ma relation avec Peter. Je l'interromps juste un instant. À New York, où tu étais connue, je comprends, mais à Paris, belle et attirante comme tu l'es, tu as certainement dû avoir des avances masculines. Elle sourit. Je ne sais si c'est pour le compliment ou plutôt à l'évocation de certains souvenirs. Oui, ce n'est pas faux d'être courtisé, mais les hommes que je rencontrais, aussi charmants qu'ils pouvaient être, voulaient tous construire ou reconstruire une vie, alors que je ne cherchais qu'à passer un moment agréable. Alors, pour éviter de leur faire du mal, je préférais ne pas donner suite. Le plus loin que j'étais, c'est un bisou dans une voiture. Le monsieur était manifestement très amoureux et je n'ai pas été plus loin. Je ne l'ai jamais revu malgré et surtout pour toutes ses relances. Et puis, il y a eu le fameux soir. C'était il y a 3 ans, suite à un de mes accès de mauvaise humeur. Béatrice m'avait carrément envoyé sur les roses. Elle était partie furieuse, me lançant. « Tu devrais aller te faire sauter, et le plus tôt sera le mieux. Ça fera des vacances à tout le monde. » Le lendemain, c'est moi qui l'ai appelé pour m'excuser, et nous avons déjeuné ensemble. C'est au cours de ce déjeuner que je lui ai parlé de la prescription de ma psy, dont je n'avais même pas tenu compte. Béa a souri, farfouillé un instant dans son sac, d'où elle a sorti une carte de visite. Elle me l'a fait passer en la glissant sur la table, me disant « Tu devrais les appeler, ou mieux aller les voir. » J'ai moi-même eu recours à leur service. C'est vraiment très bien. Pour le tantra, c'est l'institut le plus réputé de Paris. Si tu le souhaites, je pourrais t'accompagner et te présenter. » Elle avait aussi tout rajouté, mais cela n'en vaudra la peine que si tu en exploites les acquis. J'ai beau essayer de la dissimuler, ma perplexité n'échappe pas à Nathalie. Béatrice voulait dire qu'après l'initiation et le perfectionnement en tantra, il me faudrait rapidement mettre ces enseignements en pratique, faute de quoi je ne ferais qu'aggraver ma frustration. Autrement dit, si le tantra permet de gérer et de canaliser son énergie sexuelle, il ne la fait pas disparaître pour autant. Sa moue est des plus éloquentes. Et, en ce qui me concerne, c'est une certitude. Cette précision ne fait qu'accroître mon questionnement. Je lui demande « Pardon, mais je ne vois pas très bien en quoi la pratique du tantra a pu apporter une solution à ton problème d'abstinence. » Elle frissonnait encore sa grimace de petit lapin. « Oh, c'est très simple. Les séances de tantra m'ont permis de rencontrer mes futurs partenaires, des adhérents de l'institut, célibataires ou pas. » Elle voit bien que chaque précision ne fait qu'engendrer de nouvelles questions. « Je vais t'expliquer. » L'institut auquel Béatrice me proposait de m'inscrire dispense des cours d'initiation et de perfectionnement au tantra. C'est lors de ces cours que tu fais connaissance de personnes avec lesquelles tu peux envisager de mettre en pratique les enseignements sur le massage tantrique. Évidemment, ce n'est guère possible dans les salles de cours de l'institut, d'où le saphir. Je suis complètement perdu. Si je savais ce qu'est le tantra, je pourrais peut-être comprendre ce qu'est le saphir. Nathalie bafouille, cherche ses mots. C'est un club... Mais bon, d'accord. Je reprends depuis le début et je vais essayer de faire court. D'abord, sache que je pratique le yoga depuis mes 18 ans. J'ai commencé à l'université pour évacuer le stress des études et des examens. Et je le pratique encore aujourd'hui. C'est un excellent moyen d'être en paix avec soi-même et avec les autres. Le tantra, comme je te l'ai dit, c'est grâce à Béatrice. Je pratique donc le tantra depuis 3 ans. Je vais poser une question. Elle me devance. Ok, procédons par ordre. Le yoga, le tantra, l'institut et le saphir. Le yoga, tout d'abord. C'est une école de philosophie indienne, le but de cette philosophie étant la libération du cycle des réincarnations engendré par le karma. Je l'interromps. Pour le karma, tu peux préciser ? Un sourire, et elle poursuit. L'hindouisme croit en la réincarnation de l'âme qui peut se réincarner plus de 50 millions de fois avant de pouvoir se fondre avec l'âme cosmique, où elle termine ainsi le cycle. La réincarnation vers un être meilleur ou inférieur dépend du karma qui est la somme positive ou négative des pensées, des paroles et des actes d'un individu. Chaque être est responsable de ses actes, donc de la nature de ces réincarnations. Grimace dépitée de Nathalie. À voir l'expression de mon visage, elle doit penser m'avoir perdu. J'ai conscience que mon explication est un peu sommaire, mais l'expression de mon visage est surtout la marque de mon admiration pour cette femme qui, à cet instant, me paraît omnisciente. Je suis attentif, je la rassure. C'est peut-être sommaire, mais ça le mérite d'être clair. Et donc, le tantra? Bien, là aussi on va faire sommaire. Tantra, d'où est dérivé tantrisme, est un système métaphysique. Dans ce système, on considère le masculin et le féminin comme les bases sur lesquelles repose l'univers. Je fais le point une seconde. Bon, je crois que j'ai compris. Yoga, tantra... Mais si je visualise plus ou moins la pratique du yoga, j'avoue être totalement ignorant de celle du tantra. Toujours ce froncement de sourcils. Elle se concentre sur une réponse un tant soit peu accessible au béotien que je suis. Pour les profanes... La partie la plus visible de sa pratique concerne les massages et... J'aurais dû la laisser terminer. C'est donc ce qu'il te fallait. Tu étais stressé et la kinésithérapie, un excellent moyen d'évacuer les tensions. Son éclanerie me surprend et ma mine ahurie ne fait que contribuer à renforcer son hilarité. Elle parvient avec peine à articuler entre deux hoquets. De la kiné. Il faut que je raconte ça à Béatrice. Elle va te plier. C'est ça, plier. Je ne comprends toujours pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à parler de kiné. Elle se calme, s'essuie les yeux. Mais tu ne comprends pas. Ce n'est pas de kiné qu'il s'agit. Béatrice ne m'avait-elle pas conseillé d'aller me faire sauter? Il s'agit de massage tantrique et non de kiné classique. Je dois paraître toujours aussi ahuri. Nathalie m'éclaire. Les massages tantriques se pratiquent en couple et aucune partie du corps n'est ignorée. Le sexe y compris. Donc, cela peut se terminer par un rapport sexuel. Je suis sidéré. Sidération interprétée à tort par Nathalie comme une sérieuse désapprobation. « Seigneur, j'aurais dû me taire. Tu vas me prendre pour... »« Te prendre pour... »« Et pourquoi te prendrais-je pour quoi que ce soit ou qui que ce soit ?»« Tu ne faisais de mal à personne. » Je souris. « On peut même dire que tu leur faisais du bien. » Donc, si j'ai bien compris, il ne s'agissait pas de massage conventionnel. Nathalie est devenue toute rouge de confusion. « Le rose aux joues te rend encore plus désirable. » J'ai droit à une petite tape sur la main qui s'avançait imprudemment vers ses tétons. Si tu n'es pas sage, je ne pourrais pas continuer. Je t'en prie, ça devient vraiment intéressant, et je ne voudrais pas manquer la suite. Elle me regarde avec une moue grondeuse. Qui te dit que la suite est intéressante? Après tout, je n'ai peut-être justement pas donné suite. Mon petit doigt me dit le contraire. Ton état nécessitait manifestement un massage spécial. Mon ton ironique me vaut une deuxième tape sur l'autre main. Si tu m'interromps tout le temps, et surtout si tu te moques de moi, tu vas me faire perdre tous mes moyens. Et je n'aurai plus le courage de tout te raconter. Elle appuie sur le tout, l'effet immédiat. Promis, je reste sage, je t'écoute. Elle marque un temps. Je respecte son silence, me contentant de lui picorer le coup de baiser. Là, je crois qu'elle se souvient de quelque chose, fronçant les sourcils, elle se redresse, puis me repoussant gentiment, se lève, et drapée de sa seule beauté, file au fond de la chambre jusqu'à son secrétaire, dont elle ouvre un des tiroirs. Elle retire une luxueuse pochette cartonnée de couleur safran, revient vers le lit me donnant cette fois le côté face à admirer, ses seins et ses cheveux qui dansent dans la lumière. Elle s'assied près de moi et extrait de la pochette une brochure qu'elle me tend. « Tiens, ce sera plus simple de lire ça avant d'aller plus loin. Je vais en profiter pour faire un bout de toilette. » Un autre bisou, elle disparaît dans la salle de bain, tandis que, plongée dans un abîme de perplexité, j'ouvre la brochure. En entête, le logo de l'Institut. Je passe l'introduction, commence ma lecture et, instantanément, j'entre dans un univers où le mode de pensée est à des années-lumière du monde judéo-chrétien. En une poignée de secondes, je suis très loin de Paris, transporté quelque part sur les contreforts indiens de l'Himalaya. J'étais tellement absorbé par ma lecture que le temps a passé sans que j'en aie eu conscience. Nathalie revient se glisser sous les draps. Un tendre bisou, elle m'interroge du regard. Je suis un peu perdu, mais parviens quand même à articuler quelques mots. C'est déconcertant, déstabilisant et tout simplement fabuleux. Je crains seulement de n'avoir pas vraiment tout compris. En fait, j'ai plein de questions, mais qui peuvent sans doute se résumer en une seule. Elle appuie son index sur le bout de mon nez. Le contraire m'aurait surprise, mais surtout déçue. Je t'écoute. Quelle est ta question? Elle s'assied en tailleur face à moi. et je m'installe dans la même position, la brochure sur les genoux. J'essaie de rassembler mes idées. Bon, je vais reprendre du début. En introduction, il est précisé que le tantrisme est un courant spirituel. Je la regarde et arque les sourcils. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça en commençant ma lecture. Tu m'avais parlé de philosophie, mais ça va bien au-delà. Et à quoi t'attendais-tu? De ce que tu venais de m'en dire, je croyais qu'il s'agissait d'une technique de massage qui permettait d'amplifier un orgasme. En fait, c'est bien plus complexe. On parle de recueillement, de méditation, de sublimation de l'acte sexuel et d'un orgasme qui n'en est pas un. Je crois que j'ai besoin de sous-titres. Mon expression l'a fait sourire. Je vais faire court. Tu as donc lu qu'il y a 5 courants philosophiques en Inde et le tantra en est un, tout comme le yoga. Ces deux courants ne sont pas incompatibles et peuvent très bien être pratiqués simultanément par une même personne. Ils utilisent d'ailleurs les mêmes bases, la respiration et la méditation. Les textes et les rituels à l'origine du tantrisme remontent à plus de 15 siècles avant Jésus-Christ. L'objectif du rituel, décrit par ces textes, est d'atteindre un autre niveau de conscience par l'exploration et l'éveil des sens. De ce que l'on m'en a dit, ce niveau de conscience permet d'augmenter la puissance de perception et d'analyse de l'esprit. Très peu y parviennent, mais à défaut, les pratiquants réguliers sont capables d'atteindre un orgasme plus puissant qu'un orgasme classique. À la façon dont je la regarde, Nathalie n'a aucun doute. Une question me brûle les lèvres. Son sourire et sa légère inclination de tête me disent « Oui, John, que voudrais-tu savoir ?» Je toussote et demande presque timidement « Et as-tu eu ce genre d'orgasme ?» Ses yeux se ferment à demi, il fait son nez de petit lapin. Pas au début, parce que cela demande une longue pratique et une maîtrise parfaite de sa respiration, donc de sa concentration. Mais ensuite, oui, disons une fois sur 4. Elle sait que j'attends la suite et ne me fait pas languir davantage. En fait, il ne s'agit pas d'un orgasme qui se déclenche au niveau du périnée, mais plutôt d'une sorte de courant ou de tension qui part tout en corps. C'est très fort, et ne sachant trop comment le définir, les Occidentaux l'ont désigné comme un orgasme tantrique. Devant mon air sidéré, mais surtout émerveillé, elle juge utile de préciser « Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de croire que seul un rapport sexuel permet d'y parvenir. Mais alors comment ?» Elle sourit, me prend les mains. « Tu as dû le lire dans la brochure. C'est le massage de toutes les parties du corps qui est prépondérant. Le rapport sexuel ne mène à l'orgasme tantrique que dans la mesure où les partenaires maîtrisent leur respiration. Préliminaire compris, un rapport sexuel classique dure environ 20 minutes, alors qu'un rapport tantrique peut durer jusqu'à 3 heures. Trois heures et tu... La caresse de sa main sur ma joue, un baiser tendresse qui se prolonge, son autre main dans mes cheveux, puis son sourire, me sortit in extremis du coma où j'allais définitivement plonger. John, ça ne veut pas dire que l'accouplement dure 3 heures. Peut-être 20 minutes et encore, faut-il que le partenaire soit expérimenté. J'ai eu la chance d'en rencontrer, mais malgré leurs talents, je me suis souvent contenté d'un orgasme classique. En définitive, ce sont les sensations qui précèdent l'orgasme, qui importent plus que l'orgasme lui-même. Quelque peu dépité, je rétorque. Après ça, tout le reste doit paraître bien fade. Elle m'attire vers elle, m'embrasse doucement. Pas du tout, c'est seulement différent. Pour moi, le tantrisme complète la sexualité telle que nous la connaissons. Impressionné, je lui demande timidement. « C'est ce que tu pratiques depuis 3 ans ?» Elle me caresse la joue. « John, il est tard. Je crois que l'on devrait dormir. Promis, demain, je te raconte la suite. » Je ris. « Ainsi parlait Scheherazade. » Elle se lève contre moi, et ce qu'elle cherchait semble conforme à ses vœux. Ses yeux sont si tendres. « Je voudrais que tu me prennes comme tout à l'heure, et après, tu restes en moi. Et on s'endort comme ça, tu veux bien ?» Sans attendre ma réponse, elle se retourne et me présente les fossettes de ses reins. Elle gémit doucement. Lorsque j'entends elle, et nous restons là, bougeant à peine. L'orgasme vient comme une caresse. Tout est doux, chaud, ouaté.